La soupe, voilà bien un plat ancestral que l'on retrouve aux quatre coins du monde depuis que l'homme a découvert l'usage du feu. Très rustique, les premières bouillies à base de viande, poisson et légumineuses, c'est selon, on nourrit toutes les civilisations durant l'Antiquité. Au Moyen-Âge, la soupe caractérise la tranche de pain sur laquelle on verse du bouillon brûlant fait de viande, de légumes ou de vin. Nourrissante, elle constitue le repas unique du peuple et est recommandée par les médecins pour ses vertus thérapeutiques. Au XVIIe siècle, la soupe, d'origine populaire, pénètre toutes les classes sociales et devient l'emblème du paisible bonheur bourgeois avant d'être élevée au rang de potage, crème, velouté ou consommé par l'aristocratie lorsque naît l'engouement de Louis XV pour les légumes délicats. Avec le talent des plus grands chefs, les recettes royales se diversifient et au XIXe siècle, les potages destinés à ouvrir l'appétit se succèdent aux tables de l'aristocratie européenne. Cependant, chez les familles modestes et à la campagne, la soupe conserve sa fonction de plat unique, riche et équilibré. Les soupes traditionnelles sont courantes pendant la première moitié du XXe siècle, chaque région ayant la sienne. Mais l'alimentation se diversifie progressivement et la soupe plat est quelque peu oubliée tandis que la société de consommation ouvre la porte au marché des soupes prêtes à l'emploi. Un marché en plein essor depuis quelques années, la soupe de légumes faisant un retour en force, vantée pour ses multiples vertus. Voilà, rencontre aujourd'hui, on continue sur la même thématique avec les légumes. Nous partons dans un petit village qui s'appelle Montgaudine. Montgaudine qui se trouve entre Namur et Dinan, plus ou moins à 80 km de Bruxelles, la capitale. Comme ça, on situe un petit peu les choses sur la carte du monde. J'aime bien commencer comme ça. Et dans ce village, eh bien, on rencontre une dame qui a un certain âge, dans le sens où elle a déjà fait pas mal de choses dans sa vie. Et donc aujourd'hui, nous la rencontrons parce qu'elle, dans la rencontre, nous avait dit qu'il y avait moyen de faire son potager, pas uniquement... au printemps-été, là où c'est normal, où on entend, même quand on n'est pas trop au courant du jardin, de la nature, etc. On sait que c'est à cette période-là qu'on met la main à la pâte. Et ce qui était intéressant dans cette rencontre ici, c'est de rencontrer cette dame qui disait que faire son potager, ça peut se faire aussi toute l'année. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Dire aussi que se remettre à faire son potager, c'est intéressant dans le sens d'être autonome, de ne plus dépendre d'un magasin, de faire comme on a envie, de réapprendre comme ça un savoir qu'on a oublié. Et donc dans l'idée de rencontrer cette dame-là maintenant de Montgaudine, eh bien, elle nous rappelle un petit peu c'est quoi un potager. Montgaudine, petit village, de combien de personnes ? Oh, plus ou moins 700 personnes. Maintenant, c'est quand même un village qui a doublé grâce aux activités de la clinique universitaire de Montgaudine aussi. Hein. Et vous pouvez un petit peu vous présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Micheline Jomotte, je suis dans ce merveilleux petit village depuis 40 ans et j'ai travaillé ici au clinique à Montgaudine et mon mari était ici instituteur au village de Montgaudine. Vous avez travaillé comme infirmière alors ? Ah non, il n'y a pas que des infirmières dans une clinique. Il faut toutes sortes d'autres personnes pour qu'une clinique marche. Moi, j'étais secrétaire à la direction des ressources humaines. D'accord. Et puis, en fait, c'est une rencontre aussi. On ne s'est rencontrés pas du tout dans le cadre de l'hôpital. On s'est plutôt rencontrés dans le cadre de légumes, des paniers de légumes. Mmh. Voilà, parce que vous, en fait, vous habitez ici, Montgaudine. C'est l'hiver, il neige, on ne peut pas vraiment s'imaginer, mais paraît-il, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous cultivez un potager toute l'année. Donc, plus besoin d'acheter ces légumes. Oui, c'est vrai, on s'imagine qu'avoir un potager, c'est uniquement avoir des légumes quand c'est la belle saison. Mais non, en hiver, il y a un tas de légumes qui existent et dont on peut s'occuper. Donc, il suffit simplement d'organiser son potager de façon à ce qu'il reste des légumes tout l'hiver à l'intérieur du potager, quoi. Et comment ça marche alors? Expliquez-nous concrètement dans la pratique. Parce que c'est sûr, au début du printemps, on connaît semer. Voilà, on sait qu'on peut avoir des haricots, des fraises, des patates, des salades, des radis. Mais donc, vers le mois d'août, on récolte. Septembre. Et puis, dès qu'il fait froid, qu'est-ce qui se passe là? Ah, dès qu'il fait froid, eh bien, il faut prévoir. Donc, ce froid, donc, il y a donc des légumes qui se sèment. Allez, je vais vous donner l'exemple de la mâche, hein, cette fameuse petite salade de blé qu'on mange tout l'hiver. Eh bien, vous la semez déjà au mois d'août, un petit peu au début du mois de septembre. Et cette salade, eh bien, elle va me servir tout l'hiver à faire de bonnes crudités. J'ajouterai donc à cette petite salade de blé des graines que je fais germer. Donc j'ai ici un germoir sur le bord de mon appui de fenêtre et je vais donc y faire germer des graines et je vais donc agrémenter cette salade de blé d'un tas de sortes de graines germées. Alors, donc, dans le potager, qu'est-ce que vous pouvez avoir en hiver? Eh bien, donc, on a prévu, par exemple, des choux de Bruxelles. C'est vraiment délicieux. J'ai aussi des choux... ce sont des choux frisés que ça s'appelle, les choux qui sont encore là? Oui, hein? Oui, oui, donc le chou pointu, par exemple, le chou frisé, le chou vert. Il y en a qui mettent du chou rouge. Moi, j'en mets pas parce que je n'arrive pas à bien les réussir. J'ai pour le moment encore des scorzonaires. Je n'y ai pas encore touché, d'ailleurs. Je n'ai pas encore eu des scorzonaires. Ah, des scorzonaires, vous ne savez pas ce que c'est. Non. Eh bien, le scorzonaire, c'est vraiment une très longue racine noire. Ça ressemble un petit peu à, comme on pourrait dire, une très longue carotte ou un très long radis noir. Et ça se pèle donc au petit couteau ou bien vous grattez, puis vous cuisez ça comme des carottes et bon, soit vous les mangez avec un petit peu de beurre et bon, et c'est délicieux quoi. Donc voilà, ça je n'y ai pas encore touché, ils sont toujours dans mon jardin, mais comme ils gèlent, je n'y ai pas accès pour l'instant. J'ai toujours des carottes dans mon jardin, mais je n'y ai pas accès non plus. Donc j'ai été obligée d'acheter 3-4 kilos de carottes. De toute façon, des carottes, je n'en ai pas assez pour toute l'année, donc je vais toujours acheter une dizaine de kilos de carottes bio. Voilà. Et alors, ce que j'ai pour le moment dans mon garage, c'est un tonneau où je fais pousser des chicons. Voilà, je ne cultive pas moi-même les racines de chicons, je les achète et je les fais donc pousser dans mon garage. Donc, j'ai tout le temps aussi des chicons. Ce que j'ai encore dans mon jardin, des poireaux, évidemment. Hein. Et voilà. Donc, ce que je peux encore utiliser du jardin pour l'instant. Oui. Ce que je fais, évidemment, en été, comme j'ai beaucoup de haricots, que cette année-ci, il y a eu foison de tomates, j'en ai mis plein le congélateur. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je vais dans mon congélateur et j'y retrouve donc mes haricots, mes betteraves rouges, certains choux que j'y ai mis, des escaroles, des celtus. Vous ne savez pas ce que c'est que des celtus, hein? Eh bien, c'est mon voisin qui m'a fait découvrir ce légume vraiment étonnant et délicieux. En fait, le celtus, c'est comme une salade qui est montée. Et vous mangez donc la tige de ce légume. Et ça a le goût de l'asperge, donc vous le préparez comme l'asperge. Donc pour le moment, j'ai quelques boîtes dans mon congélateur et je mange ça et c'est délicieux. Alors ce que j'ai aussi, c'est par exemple du fenouil dans le congélateur. Donc ici, mon congélateur est rempli et tout l'hiver, donc je profite de tous ces légumes. D'ailleurs, pour le moment, sur le poêle, je suis en train de me préparer donc une bonne soupe avec tous les légumes que j'ai mis dans mon congélateur. Dommage qu'elle n'est pas prête, sinon je vous en ferai goûter. Ah, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est aussi une histoire ancienne, cette histoire de potager. C'est comme si vous, vos parents à vous, ben, vous avez appris aussi les gestes de base, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est vrai que chez nous... Et chez mon mari, nous étions à la ferme, et c'est vrai qu'à la ferme, il y avait toujours un potager, et chez les particuliers aussi, beaucoup de personnes avaient un potager. Alors on me dit toujours, oui, mais j'ai pas le temps de faire le potager. Eh bien, je vais vous dire que moi, le potager, nous le faisons depuis 40 ans, malgré nos emplois du temps bien remplis. Il y a toujours moyen de se débrouiller, il suffit de le vouloir, c'est quand même pas très compliqué de faire un potager. C'est ça, parce que souvent on entend, oui, un potager, ça demande du temps, etc. C'est vrai qu'en fait, c'est assez magique, hein, on plante. Maintenant, il faut un certain savoir-faire, on peut pas faire n'importe quoi, mais en gros, on plante la graine et c'est magique, ça pousse, quoi. Mm-hmm. Mais oui... On va quand même pas dire que c'est si compliqué que ça. Bon, quelqu'un qui veut commencer un potager, eh bien, il faut qu'il commence petit, un tout petit potager, et il y met, par exemple, il commence à y mettre de la salade, des carottes, des oignons, enfin tous les légumes qu'il a envie de voir pousser. Donc, il aura déjà pendant toute une période de la salade à manger d'autres légumes, et il faut qu'il commence petit et goûter petit à petit à toutes ces bonnes choses, quoi. Il faut surtout pas se décourager, et au fur et à mesure vous agrandissez, parce que vous allez vous dire, ceci marche très bien, pourquoi est-ce que je n'essayerais pas autre chose, et comme ça, au fur et à mesure, ben, vous arrivez à une quantité de sortes de légumes que vous cultivez vous-même. Et c'est vraiment un bonheur d'aller une heure avant de votre potager y couper une salade et de la voir sur votre table, le soir ou à midi, quoi. Mmh. En tout cas, vous êtes jolie, parce que vous avez toujours l'œil qui pétille là, en racontant tout ça. On voit bien que ça vous fait plaisir, tout ça. Oui, c'est très bon, quoi. C'est quand même... Aller manger les légumes de son potager, c'est quand même un pur bonheur, en sachant que, tous les légumes que vous voyez pour le moment sur les étals des marchands, vous pouvez y trouver, moi, des légumes qui viennent de ces fameuses serres d'Almara en Espagne. Quand on se rend compte des dégâts que provoque cette culture, eh bien, il faut quand même réfléchir un petit peu, quoi. Oui, il y a une solution comme ça à portée de main. C'est une manière rigolote de le dire, d'ailleurs, pour changer aussi cette dynamique-là. En fait, on pourrait tous... Bon, il faut déjà avoir de la surface de terrain pour faire son potager. C'est vrai que les gens de la ville, par exemple, ils sont peut-être un peu plus ennuyés. Mais paraît-il, il y a des projets qui naissent en ville où on trouve des terrains, on fait des jardins collectifs, voilà. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne trouve pas qu'il faut un si grand potager que ça, parce que quand je vois tout ce que je récolte et tout ce que je donne aussi, hein, nous avons deux enfants ici au village, mais pratiquement tous les deux, ils ont de la salade presque toute l'année qui vient de mon potager. Donc, il ne faut vraiment pas un très très grand potager pour trouver de quoi se nourrir toute une année, quoi. Oui. C'est quoi vos mesures, vous? Mesure. C'est combien de mètres sur combien de mètres, plus ou moins? Oui, c'est vrai, c'est dommage qu'il y a de la neige, mais sinon on irait faire un tour au potager, vous pourriez voir que franchement, il n'y a pas tant que ça. Nous, ce qu'on aime dans un potager, c'est d'avoir plein de petites parcelles. Parce que une grande parcelle, quand on voit la superficie, on n'a pas envie de commencer parce que ça fait trop grand. Donc ici, on a, six petites parcelles, quoi. Hein, donc, c'est plus encourageant, c'est des plus petites lignes et c'est plus gai à faire, quoi. Nous, par exemple, ce que nous mangeons aussi, c'est quand même pas compliqué. On a des pommiers partout ici, dans la région. Et moi, je fais des compotes. Hein, je fais des compotes. On n'est pas forcément obligé d'avoir un congélateur pour les conserver. Je les mets dans des pots de mayonnaise ou de confiture. Et puis, vous mettez ça bouillant dans un pot, vous refermez. Et c'est bon pour une année, quoi. J'en fais pour une centaine de pots par an. J'en donne à mes petits-enfants qui adorent ma compote. Moi, j'en ai encore mangé aujourd'hui. Donc, c'est déjà une fois par semaine de la compote. C'est quand même délicieux. Et en plus, les jus de pommes, je ne sais pas si vous les connaissez, les jus de pommes. Donc, vous cueillez les pommes et vous les faites presser. On a fait ça cette année. Ah, vous l'avez fait cette année? Ah, j'ai fait ça cette année. C'est quand même bon, hein. Rien à voir, Rien à hein. voir. Et en plus, aller pour un produit de qualité, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui sont très bonnes et qui n'ont pas un prix de revient exorbitant. C'est même parfois moins cher qu'un Minute Maid, qu'un litre de jus de pomme Minute Maid ou un truc comme ça, quoi. Et bien meilleur aussi, Bien hein. meilleur, oui. Mais c'est ça, on pourrait aussi profiter de. Ben, j'oublie chaque fois votre prénom, si c'est Marielle, Micheline. Micheline, Oui. Marcel et Micheline, qui habitent Montgodine. Parce que l'idée aussi, comme ça, ben, de vous rencontrer, on s'imagine pas que dans Montgodine, ben, il y a des gens qui font leur potager. Derrière ces pelouses, comme ça, qui sont très carrées. Ben, je sais qu'il y a aussi un monsieur là-bas, le long de la forêt. Qui a Ah oui, aussi monsieur que. André. Mais ici, il y en a plusieurs qui font des potagers ici. Enfin, j'en connais un là qui a un très grand potager. Chez Andriane, ils ont aussi un potager. Et puis chez Mérigny, là, c'est vraiment le plus beau potager du village, celui-là. Mais je vois que quand même, il y a quand même pas mal de gens qui repenseraient à faire un potager, quoi. Voilà, ce serait chouette aussi de créer ici, dans Montgodine, une chouette dynamique par rapport à manger autrement, manger mieux, etc. Voilà. Quand mes petits-enfants viennent et que je leur donne une salade, ou qu'ils viennent chercher une salade ou autre chose, ben je leur dis voilà. Voilà une salade qui est venue à pied chez toi, donc qui n'a pas consommé de CO2. Et il y a moyen de faire ça toute l'année, quoi. Cultiver ses légumes toute l'année, c'est pas bien compliqué. Et surtout, diversifier. D'ailleurs, vous voyez bien à travers vos paniers bio que certaines personnes se procurent ici dans le village. Faut pas dire bio parce qu'aujourd'hui le Ah oui, bio d'accord. Oui, c'est vrai. local Oui, quoi, panier non. local. Oui, panier local, quoi. Hein. Donc, qui viennent de la production locale. Vous voyez bien tout ce qu'il y a de diversité dans ces paniers. On est vraiment étonné de voir cette quantité de légumes divers. Hein. Et puis on redécouvre des fois des légumes qu'on connaissait pas. Donc Ouais. c'est intéressant aussi, hein. Ouais, c'est ça, Mais ça pose aussi la question fondamentale de comme ça un système qui se met en place et qui récupère en fait votre autonomie aussi. Parce que quelque part on est dans un système où on rend vraiment les gens dépendants. On ne sait plus quand est-ce C'est ça, que. on n'a plus rien à dire. Oui, et puis on ne sait plus quand est-ce que tel légume vient à telle saison parce qu'on Voilà. est habitué à manger n'importe quel légume, n'importe quelle saison. Bon, bah, tout ça, à un moment donné, il y a une limite. Je crois qu'on arrive aussi à un moment donné où il y a une limite comme ça des choses et qu'il faut réinventer ou reprendre le fil où on l'a laissé, quoi. C'est Vous voyez ça, ce que je veux dire? exactement, oui. Mais oui, c'est vrai que. Allez, quand on voit qu'on vend des fraises dans les magasins, mais c'est vraiment une aberration que d'aller acheter des fraises à cette époque-ci ou d'acheter des fruits venant de Nouvelle-Zélande. C'est un non-sens alors que vous pouvez. Ben, allez, les fruits que j'achète, bon, c'est vrai qu'il me reste encore des pommes, mais je les aime moins pour en manger comme ça, fraîches. Donc, quand j'achète des pommes qui viennent de Belgique. J'ai des fruits dans mon congélateur. Dans le congélateur, bon, j'ai des framboises, j'ai des poires qui viennent de mon jardin. Et j'ai des pêches que j'ai reçues à quelqu'un qui avait trop de pêches. On peut stériliser ça, mais ça, c'est un peu trop de travail. Ça, bon, je n'irai pas jusque-là, jusqu'à dire qu'il faut absolument stériliser, bon, parce qu'on n'a quand même plus beaucoup le temps de faire ça. Mais il y a plein de fruits qu'on peut encore manger sans devoir acheter des ananas qui viennent de je ne sais où. Etc. quoi. Donc, il faut réfléchir un petit peu. Vous allez peut-être me dire, oui, mais on peut acheter des fruits qui font partie d'un commerce équitable ou quelque chose comme ça. Mais bon, est-ce vraiment nécessaire Enfin, moi, ce commerce équitable, c'est vrai que ça me fait parfois réfléchir. Si c'est pour faire venir des fruits de Sud-Amérique, pourquoi est-ce que les gens de Sud-Amérique ne pourraient pas acheter pas adhérer à ce commerce-là, hein. C'est vrai, comme nous pouvons acheter les choses d'ici, quoi. Et je ne sais pas, je crois que ça vaut la peine de réfléchir. Et puis, il n'y a pas photo, hein, ce que vous mangez de votre jardin, c'est quand même meilleur. Hein. En tout cas, voilà, joli portrait ici de Micheline qui fait son potager. Quelque chose à rajouter, Micheline ? Non, je ne pense pas. Je pense que faire son potager, c'est vraiment une chose très simple et c'est quelque chose. Ça fait réfléchir à beaucoup de. Ça fait réfléchir aussi à beaucoup de choses, quoi. Hein, donc, et voilà, non, je pense que. Je suppose que vous utilisez aussi aucun pesticide. Ah non, non. Parce que ça, c'est vrai, il y a une manière de cultiver son potager. Oui, tout à fait. Là, c'est encore un autre point sensible. Je suis vraiment... Enfin, Marcel et moi, parce que je ne fais pas le potager toute seule. Hein. Bon, on fait ça, Marcel et moi, ensemble. C'est vrai qu'on essaye donc de fertiliser notre potager avec des choses tout à fait naturelles, le compost, hein, bon, le compost, c'est quand même essentiel. Et puis, je vais vous dire que, par exemple, j'ai de la consoude qui pousse dans le jardin. Nous avons fait pousser de la consoude parce que c'est une plante avec laquelle vous faites un purin et vous arrosez donc votre jardin. Elle a plein plein de vertus, cette plante, c'est un engrais. À la consoude, c'est très bon pour les tomates, hein, par exemple. Oui. Hein, la consoude, ça, c'est de la potasse, hein. Elle est riche en potasse, donc vraiment, on fait du purin, on en arrose tout le jardin. Et en plus, je pense qu'elle doit être aussi je ne sais pas très bien, il faudrait que j'ai un papier devant moi pour ça. On utilise énormément le purin d'ortie aussi. Le purin d'ortie, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, à propos des orties, hein, dès qu'elles vont sortir ici au mois de mars, je vais en faire des potages. C'est très bon pour la santé. Et quand je n'aurai plus trop de mâches dans le jardin, je vais aller à la recherche des pissenlits. Je vais manger des pissenlits avec un peu de graines germées. C'est délicieux. Donc, pour les limaces, eh bien, on n'utilise pas de... Surtout, ne pas utiliser des petits granules empoisonnant tous les oiseaux, toutes les petites bêtes qui pourraient se trouver dans votre jardin. Ça, c'est vraiment criminel. Donc, on essaye d'appliquer des luttes biologiques, quoi. Oui, c'est un jardin bio. Qui respecte la nature, c'est bien ça. Et j'allais dire, bah, tiens, on ne sait jamais, il y a des gens de Montgodine peut-être qui vont vous entendre aussi. Vous avez des choses à leur dire comme ça, entre voisins, entre manières de faire, ou je ne sais pas, ou pas du tout, hein. Bah, écoutez, je pense bien que les gens de Mongodine sont au courant que nous avons un jardin et qu'il y en a d'autres qui ont des jardins. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui. Il y a ici une dame qui fait de magnifiques tableaux et qui est venue peindre mon potager. D'ailleurs, j'ai ici l'œuvre dans la maison, mais c'est vraiment magnifique. On peut aussi peindre des jardins. Plus c'est beau un jardin. Et dernière petite question, qu'est-ce qui vous donne du bonheur comme ça à vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Premièrement, parce que c'est l'heure de se lever. C'est vrai que je suis pré-pensionnée pour le moment. Évidemment, c'est une des choses dont je profite, c'est de pouvoir, enfin, c'est de ne plus avoir de réveil pour le matin. Mais moi, ce qui. Bon, par exemple, aujourd'hui, ben, vous serez bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. La nature est magnifique. Elle est sous la neige. Il y a plein de flocons. Et ce qui me fait lever, Quelque part, quand je dis ça, c'est quel est le sens de votre vie là maintenant? C'est quoi votre. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de se lever et d'être automate, mais de se lever et de croire encore. Qu'est-ce que je vais faire comme légumes ce midi, par exemple? Ben oui, pourquoi pas. Et alors, comme il neige, ben, je vais aller me balader aussi un petit peu, parce que bon, c'est quand même assez rare ici en Belgique d'avoir des paysages aussi magnifiques, et je vais en profiter. Sinon, il y a plein de choses qui me font lever le matin. C'est plein de petits bonheurs qui me font lever. Bah merci Micheline. Mais de rien. Graciella, c'était vraiment très gai de parler de la simplicité. Et si jamais, bah tiens, j'ai un petit besoin d'un conseil ou quoi, vous croyez que je peux venir Ah oui, hein, bien sûr, hein, je pourrais te le donner. Mais il faut quand même bien se dire aussi que le potager, c'est quelque chose qu'on ressent aussi, hein. C'est vrai qu'on peut donner des conseils, mais ce n'est pas forcément toujours ce conseil qui va marcher. C'est surtout de savoir comment est-ce qu'on fait, parce que moi je me souviens d'avoir planté un légume et pour finir on ne sait même pas quand est-ce qu'on sait qu'il est Ah mûr. oui, d'accord, oui. Vous Ah voyez, il y a des fois d'avoir un savoir-faire, et Qui se évidemment il y a la perd. main après, quoi, mais oui, qui se Oui, perd, c'est voilà. vrai. C'est vrai que maintenant, beaucoup de gens ont des problèmes quant à savoir comment on peut cultiver ce légume. Comme vous dites, quand est-ce qu'il faut le semer, quand est-ce qu'il faut le préparer, comment il faut le préparer. Donc, c'est vrai qu'on perd vraiment toute une richesse de ce côté-là, mais bon, je pense que Il y a un je retour pense qu'il y maintenant, quand même. aura, certainement, oui, certainement, je pense que les jeunes, quand on les écoute, eh bien, vont de nouveau réapprécier de pouvoir profiter de tout ce que la nature nous donne, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de gens comme vous, qui sont peut-être moins jeunes, mais si, pour mélanger un peu les savoir-faire, quoi, parce que je sais qu'il y a un retour comme ça d'une jeunesse qui a envie aussi de se prendre en main, de recultiver son potager, et grâce aussi à des gens comme vous qui avaient un certain savoir-faire, ben de relier un peu les deux, c'est gai aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un savoir-faire et dont nous et même moi, nous avons encore besoin parce qu'ils en connaissent vraiment beaucoup de choses sur la nature et même moi, j'en ai encore besoin. Mais peut-être qu'on sera obligé, hein, un jour de refaire son potager et bon, nous verrons. Mystère et boule de gomme. Merci, hein, Micheline. De rien. Oh. Regarde, c'est beau, c'est beau. Voilà, et ensuite, c'est la rencontre de personnes qui ont fait un stage en permaculture en 2009 en Belgique. Et bah voilà, le micro se balade autour de ces personnes pour leur poser un peu la question de qui sont-ils ces personnes? Qui sont-elles ces personnes? Des filles, des garçons, des femmes, des hommes? Où as-tu rencontré pour la première fois le mot permaculture? En gros, bah, c'est vraiment la découverte. Quand est-ce qu'a eu lieu cette découverte? Je pense que c'était un soir où Dave, donc mon mari et moi, étions à une réunion de membres actifs de l'association Nature et Progrès. Et on avait discuté d'un livre qu'on était en train de lire tous les deux, qui a été écrit par un fermier américain et qui expliquait un peu sa façon d'élever ses animaux et de produire la nourriture qu'il revendait par la suite dans sa communauté. Et il appliquait en fait une méthode assez particulière, donc on décrivait un peu le processus que lui utilisait dans sa ferme. Et puis je pense que c'était Costa, qui est également présent ici, qui a dit « Ah, mais ça ressemble fort à ce concept de permaculture ». Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à se renseigner sur le concept de la permaculture. On a regardé des vidéos sur YouTube qui montrent des projets qui ont été faits par les fondateurs en Australie, mais qui présentent par exemple des projets qui ont été faits en Jordanie et dans d'autres régions. Et puis on a commencé à lire des livres, et puis on a découvert le stage ici, donc c'était très logique de venir ici. Et qu'est-ce que ça t'a fait, justement cet univers qui n'est pas du tout le même qu'on propose, qu'on vit en ce moment d'ailleurs? Mais moi, je dois dire que c'était un soulagement. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on mène tous les deux à deux une réflexion, et que on a passé quand même beaucoup de temps, et je crois qu'on passe encore beaucoup de temps à faire une espèce de liste des choses qui ne vont pas, avec beaucoup de colère. Moi, il m'arrive vraiment souvent de rentrer chez moi du boulot après avoir passé avec mon vélo dans le trafic et de voir tous ces gens tout seuls dans leur voiture, enfin tout ça, de voir mes collègues manger de la viande 3 fois par jour, etc. Et d'être vraiment très très en colère. Et en fait, tout à coup, en ouvrant la porte, je trouve, de tout ce qui est permaculture, de se rendre compte que c'est au-delà d'une façon de faire pousser de la nourriture, mais que c'est vraiment tout un concept de vie, enfin, c'est un choix de vie quelque part, et qui correspond tellement aux réflexions, enfin qui répond tellement aux réflexions qu'on avait eues et qu'on a toujours d'ailleurs depuis longtemps. Oui, c'est vraiment un soulagement, quoi. Dire c'est génial, il y en a qui des intellos, enfin vraiment des têtes qui ont pensé des systèmes super complexes, mais et qui vont pouvoir apporter des réponses à toutes nos questions. Ouais. Et c'est génial, la littérature elle est là, l'info elle est là, les gens ils sont là, la communauté. Ah. Une bête qui est occupée à me piquer, pardon. Et la communauté est là. Voilà, ça va être parfait pour enregistrement. La nature qui attaque, hein. Ah ouais. Je sais pas, moi j'ai rien fait, hein, une bête sur mon bras. Mais je voulais réagir quand tu parles d'intello, mais c'est des intellos et pas que des intellos aussi. Mais moi je pense que c'est souvent, enfin c'est plus, j'imagine qu'ils ont souvent, enfin je connais pas la biographie de Bill Mollison et compagnie, mais je serais pas étonnée d'apprendre qu'ils sont genre ingénieurs agronomes de formation ou quelque chose comme ça, et ce sont des gens qui ont le cerveau et quelque part aussi la tête, enfin les mains qui peuvent mettre en pratique, donc je pense que c'est ça qui est beau aussi, c'est que chacun a sa place, quoi, celui, enfin voilà, c'est ouvert à tous, et d'un autre côté, moi je suis très contente de savoir qu'il y a des scientifiques, enfin des gens qui ont plus de compréhension de ce que c'est que l'azote, le carbone, le machin, comme moi, qui ont écrit des bouquins là-dessus. Moi, disons, ça me rassure aussi de savoir que c'est pas juste un mouvement hippie, attardé, l'herbe est verte dans les champs, enfin j'en sais rien, c'est vraiment quelque chose de plus réfléchi, et c'est ça qui est absolument séduisant, je trouve, dans toute cette théorie, quoi. C'est justement de se dire, ouais, c'est complexe, c'est réfléchi, ça a été déjà mis en pratique, il y a 30 ans d'expérience, plus même, c'est que ça a commencé dans les années 70, donc ça a fait ses preuves, quoi. Donc ça marche, c'est génial. Ok. La deuxième, c'est comment est-ce que tu vois le futur aujourd'hui? Alors tu peux le prendre comme tu veux, tu l'interprètes comme tu veux. Ah. Ouais, c'est difficile de pas répondre à cette question sans se dire ma réaction ce serait plutôt on va tous mourir. Ça va être ouais, on est dans la merde. Mais justement, ce que j'aime bien écouter notamment Steve qui fait ses présentations parce que je trouve qu'il est encore super optimiste et ça fait un bien fou. Moi je crois que enfin mon mari et moi on va faire notre petit bonhomme de chemin avec un retour à la terre et puis vraiment une modification de notre mode de vie et voilà, appliquer un maximum les principes de la permaculture. Et puis pour le reste, peut-être espérer que via nos actions, en tout cas des gens autour de nous se posent des questions, mais je crois que j'ai un peu... J'ai plus vraiment l'idéalisme de mes 18 ans où je me dis un jour les gens comprennent... Enfin, et puis les gens, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais plein de gens bien qui ont... D'autres soucis, d'autres combats. Enfin, je sais pas, moi, il y a des gens qui sont très très bien et qui combattent plutôt l'extrême pauvreté, par exemple. Enfin, il y a plein de gens qui sont dans l'associatif, donc c'est trop facile de dire les gens. Mais donc, peut-être qu'un jour, quelque chose se produira et que tout à coup, la communauté entière prendra conscience que fondamentalement, l'environnement, c'est le problème principal. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, évidemment, mais j'espère en tout cas que cette prise de conscience arrivera et puis qu'en fait on se rendra compte que s'occuper des personnes handicapées ou lutter contre la pauvreté, en fait tout ça ne dépend que d'un facteur qui doit être bien et c'est l'environnement et donc qu'en fait on est tous concernés par la problématique. Mais ça j'ai laissé tomber, je ne vais plus essayer de convaincre, je crois que justement ça va pas. Mais convaincre par l'action peut-être, quoi, d'inviter des gens, des choses comme ça, mais commencer à critiquer le mode de vie des gens, je pense que c'est vraiment pas la bonne voie. Donc voilà. Ouais, et puis il y a quelque chose qui dit là dans l'air du temps que ça suffit, on a les concepts, etc. On est d'accord, quoi, maintenant il faut agir, quoi. C'est ça. La dernière question, c'était la poésie dans ton quotidien. Ça te raconte quoi, ça? C'est quoi la poésie dans ton quotidien? Oh, ça c'est une question super intéressante. Dans la mesure où j'adore lire, mais je n'ai jamais vraiment accroché à la poésie. Donc la poésie vraiment dans le sens premier du terme, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup dans mon quotidien. Parfois... Dave me lit un poème qui lui a plu, mais il est un peu comme moi, on est plus dans la fiction ou dans d'autres genres de littérature, donc voilà. Non, je pourrais pas te dire comme ça, je suis pas très... Justement, un truc que j'aimerais bien, via la permaculture, enfin, dès qu'on aura pu changer de mode de vie, c'est peut-être créer un contact avec... l'aspect plus artistique, plus imaginaire, parce que pour le moment, dans notre vie quotidienne, c'est dur. Voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée, je passe déjà 10 heures au boulot, énervé, stressé, machin, le soir on mange, voilà, on discute de choses et d'autres, enfin, on a plein de projets qui peuvent être, qui pour moi sont des poèmes, hein, genre on va faire le tour du monde à vélo, voilà, il y a plein de choses à dire là-dessus, Mais non, l'artistique n'est pas présent vraiment dans ma vie à moi, mais Dave est écrivain, donc il pourrait peut-être te dire plus là-dessus. Ok. Voilà. Merci. De rien. Voilà, c'est parti. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. C'est parti, première question. Donc, quand est-ce que tu as rencontré pour la première fois le mot permaculture? Moi, je crois que la toute première fois, on parlait de faire des achats de légumes, des paniers de légumes, ben avec Rudolf qu'on entendait hier. Et puis, naïvement, je dis, mais est-ce que c'est des légumes bio? Puis on me dit, non, non, mais c'est bien mieux que du bio, c'est de la permaculture. Et puis je dis, mais c'est quoi? Enfin, et alors elle raconte, la fille qui m'explique ça, elle explique, en tout cas je ne comprends pas bien ce qu'elle me dit. Et elle me dit, mais il n'y a même pas de terre et tout. Enfin, et du coup, je m'étais imaginé un truc... genre comme les tomates qu'on fait pousser en Espagne, où il n'y a même pas de terre, on les fait genre dans la boîte avec des liquides. Et je n'étais pas du tout convaincue. Je me dis, son brôle, là, c'est mieux que du bio, mais ce n'est pas bio, mais il n'y a pas de terre. Je ne trouvais pas que c'était très naturel. Enfin, et puis, de fil en aiguille, j'ai quand même pris ces paniers de légumes bio. Et puis, mais c'est resté longtemps flou pour moi, parce qu'il y avait des notions de... On couvre le sol... Et puis je crois que la deuxième fois que j'en ai entendu parler, c'était quelqu'un justement dans une fête écologique qui me parlait de Bill Mollison, etc. C'était le début des haricots. Mmh. Et ils expliquaient que c'était, et c'est ça qui m'a vraiment séduit, que c'était tout un système intégré où il y avait en même temps l'habitat dans lequel tu vis, la gestion des déchets, les toilettes sèches. Enfin, je voyais un truc un peu cohérent. En tout cas, c'est l'image que j'avais, c'était l'image d'un système, quoi. Et c'est plutôt ça qui m'avait séduit. Mais après, c'est vrai que c'est flou. Parce qu'on a des images de ouais, c'est de la culture en but, c'est des... puis alors on te demande est-ce que ton jardin il est en permaculture, ben j'en sais rien, qu'est-ce que tu penses, enfin, c'est un peu ou alors quand c'est un peu comme quand tu dis ouais je vais faire un stage de permaculture, tout le monde te demande c'est quoi, t'oses à peine expliquer parce que soit t'es parti pour 5 minutes au moins où les gens t'écoutent poliment, soit tu dis ouais c'est pour faire du jardinage, mais en fait c'est pas vraiment ça, enfin voilà. Quoi, il y a longtemps de ça, de cette découverte Donc la première fois, le mot permaculture, c'était oui, il y a, je dirais quoi, 3 ans, 3-4 ans. Et puis c'est vrai qu'après, c'est en allant plus, en faisant mon potager, etc., que je me suis plus penchée. Alors tu vas comme tout le monde, tu tapes permaculture sur Google, puis tu regardes un peu ce que ça donne. Mais, et alors tu essaies effectivement, mais tu grappilles à gauche, à droite, quoi, mais, effectivement, oui. Et est-ce que ça a changé ta manière de voir ta vie ou la vie? Cette manière-là, la permaculture, par rapport à un système dans lequel nous sommes tous, qui est le capitalisme, la permaculture, c'est une autre approche, carrément, quoi, de la nature. Mais en tout cas, surtout, je pense, après faire le stage ici, parce qu'au départ... Tu sais pas trop, enfin moi ce que j'aimais bien au départ dans la permaculture c'est que ça avait l'air plus cohérent et moins contradictoire que le biologique où une fois que tu as le label tu peux faire toutes les conneries que tu veux, genre enfin toutes les dérives commerciales qu'on connaît et où là il y a quelque chose de plus global et effectivement en venant au stage ici où ça me parle vraiment bien parce qu'on se rend compte que pour moi la permaculture en tout cas telle que je le conçois aujourd'hui c'est pas que des techniques de jardinage, des techniques de traction animale ou je sais pas quoi, c'est vraiment toute une réflexion qui est en même temps actuelle, je crois que c'était un animal mais c'est sa tête et il y a vraiment toute une réflexion, comme par exemple j'aimais beaucoup le premier jour le fait qu'ils amènent la réflexion sur le contrôle des populations où, moi ça m'a vraiment fait un déclic énorme parce que enfin je trouve que voilà mais ça c'est à titre vraiment personnel mais je trouve que le choix de ne pas faire des enfants est vraiment quelque chose de tabou, c'est vraiment quelque chose qui a pas de place dans la société je trouve, donc par exemple moi j'ai fait le choix de pas avoir d'enfants en tout cas jusqu'à présent, ben, c'est pour des raisons en même temps personnelles mais en même temps je me dis c'est pas le moment quoi, enfin je trouve qu'on va dans le mur, il y a assez de gens sur la planète, c'est pas le moment d'en rajouter un ou plusieurs. Et mais en même temps, je me sentais un peu seule avec ça au niveau de la société. Je trouve que ce n'est pas du tout un débat qui est amené sur la place publique. Et si tu croises quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on va se dire oh, ben sûrement qu'elle n'a pas su en avoir. Ou on ne laisse pas la place à ça. Et là, je me suis sentie bien avec un truc qui est déposé sur la table et qui a de la place pour ça, où vraiment on peut faire le choix. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'enfants ou qu'il faut juger ceux qui font des enfants, pas du tout, mais que ça peut avoir en tout cas de la place de se poser la question au niveau global, alors au niveau collectif, de dire est-ce bien le moment de faire des enfants ou est-ce, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc par exemple, ce niveau-là, ça m'a vraiment apporté quelque chose et ça a peut-être, pour moi, c'est peut-être une approche qui... Ouais, qui est beaucoup plus cohérente ou plus globale. Je dis ça parce que c'est pour qu'on comprenne ce que je veux dire aussi dans ma question, c'est que Par exemple, quand moi j'ai découvert la permaculture, c'était à la ferme arc-en-ciel chez Rudolf. Mmh. Et j'en revenais pas. J'en revenais pas qu'on pouvait nourrir 100 personnes, quoi. Et tous les enfants et machin, mais bon, 100 personnes, panier, légumes. Il n'y avait pas de label bio parce qu'on sait que le bio, c'est quand même devenu une industrie, quoi. Mmh. Et là, c'était 100 paniers, pas plus. Enfin, tu vois, il y a toute une cohérence. Mmh. Et en même temps, il n'y avait pas de produits chimiques, quoi. Parce qu'on nous tient tout le temps le discours, oui, mais c'est facile, on est obligé de mettre ces produits, comment ferait-on ? Et là, tu voyais un gars, toute une bande là qui... Et ça m'a fait du bien, moi. Soit. Ah ouais. Si t'as quelque chose à rajouter là-dessus ? Non. C'est dans ce sens-là que je parlais, que la permaculture... Ah oui, c'est du possible, quoi. C'est une porte que tu ouvres et tu dis, allez, quoi, on nous a pas éduqués comme ça, tu vois. C'est une manière de voir... les choses en lien, les unes avec les autres, et pas chacun dans un compartiment. Enfin, voilà. Et donc la deuxième question, c'est comment est-ce que tu vois ton futur aujourd'hui ? Tu peux le prendre comme tu veux, tu l'interprètes, la question que le mien, personnel Comme tu en vis. Oui, c'est une bonne question. Mais en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est la crise pétrolière, ça fait un peu peur à tout le monde, et moi, je trouve ça du bon. Je me suis dit, on va enfin être obligé de changer, de réduire notre mode de consommation, de retourner à des choses qui sont vécues comme un peu archaïques. Enfin, je trouve qu'on a vite l'air des extrémistes quand on veut éviter de laisser l'eau du robinet qui coule, ou que sais-je. Quand tu vas avoir un peu des gestes écologistes, souvent tu es un peu considéré comme ouais, ça va, on va partout dans la caverne, ou ben là on sera obligé de penser autrement. Mmh. Je pense que ça a du bon. Et en même temps, je pense qu'il va y avoir les deux. Je pense qu'il va y avoir aussi des dérives de gens qui vont vouloir se battre pour tirer à eux les dernières parcelles de confort actuelles, écraser les autres, vite se battre pour acheter leur voiture. Mais moi, ça ne m'inquiète pas trop. Je me dis, voilà, tout tend vers un équilibre, et donc les choses vont... On va changer. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés. Mais alors moi, personnellement, je serai là-dedans, je ne sais pas. D'accord. La poésie dans ton quotidien, ça raconte quoi ? C'est quoi pour toi ? Moi, je trouve que c'est des petites choses. Enfin, moi, j'aime bien, par exemple, se laisser surprendre par, je me souviens, une fois, je me promenais en ville en hiver, puis il faisait froid, puis tout d'un coup, tu vois un camion poubelle qui passe, et puis les éboueurs, ils avaient attaché une pluche, comme ça, qu'ils avaient ramassé sans doute à la poubelle. Et je croyais que c'était de la poésie. Enfin, ça peut être des... Ou tu vois, deux personnes qui sourient comme ça parce qu'ils se marrent, ou je sais pas, tu te dis, une petite phrase, ou tu te promènes dans les bois, puis tu vois une cabane. Moi, j'aime bien des petites... je pense que si tu creuses, tu en trouves tous les jours. Ou une belle lumière, ou un truc comique, ou un petit truc fugace, quoi, léger, qui mange pas de pain. Mais... Voilà, moi, je dirais que c'est ça, ma poésie au quotidien, quoi. Ok. Et est-ce que tu vois quelque chose à rajouter spontanément sur tout ça, de profiter du micro, que tu vas être entendu, pour dire des choses, ou pas ? Non. C'est vrai que quand tu sors d'ici, tu as envie de persuader tout le monde à te faire la permaculture, venez, il faut tout changer. Enfin, ça m'a frappé par exemple dans un des bouquins, après ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, on voit une photo d'un petit jardin à Londres, là, dans le livre sur Forest Garden, et puis tu vois qu'ils travaillent... Là, ils se nourrissent toute l'année avec leur petit jardin minuscule de ville, et puis ils travaillent 4 heures par semaine dedans. Moi, ça m'a complètement halluciné. Tu dis, mais voilà. Après, je pense qu'il faut relativiser, mais tu as envie de donner un petit bout de jardin à tout le monde et qu'on y vive tous. Et effectivement, je pense que... Moi, je suis vraiment convaincue, quoi. Donc voilà, il faut tous rejoindre cette grande famille de permaculteurs. Tous se remettent à potager, quoi. Ouais. Je pense. Après, c'est ceux qui ont envie, mais en tout cas, c'est. Je trouve que la permaculture, ça ouvre les possibles. C'est effectivement de dire, on n'a pas le choix, ou j'ai qu'un tout petit jardin, ou j'ai qu'une terrasse. Ben oui, mais permets-toi de rêver. Oublie ceux qui n'écoutent pas, ceux qui te disent il faut absolument des pesticides, ou tu ne t'en sortiras pas, ou ceci, cela. Ben non, enfin, c'est comme un espace de rêve, comme ça, je trouve. Fais en sorte que et ça va être possible, quoi. Voilà. Merci. Cheval. Cheval! Cheval! Purée, qui est gros veau! Impossible de le réveiller, hein? Si ça se trouve, on va passer toute notre vie ici, hein? Un peu ça! Allez. Alors, je dirais que ça doit être il y a... À mon avis, ça doit être il y a un an. Ma sœur est assez forte dans le bio, écolo, etc. Et elle, je ne sais pas par quel moyen elle a entendu parler de la permaculture, mais elle lit beaucoup, c'est une mangeuse de bouquins. Et elle a fait la formation ici, avec Fabienne, etc., il y a un an. Et donc voilà, et donc elle a dû le citer, ça m'est passé au-dessus de la tête, et puis en tapant sur le clou régulièrement, et puis elle a entendu dire qu'il y avait une formation qui se faisait cette année. Elle m'a dit, allez, il y a des gens bien, là, va voir, essaye. Et voilà, et en tapant sur le clou, enfin voilà, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, j'ai encore rien de prévu pour cet été. Donc voilà. Et je dois bien avouer que je ne savais pas trop en m'inscrivant à quoi je devais m'attendre. Et donc il y a des tas de gens qui me demandaient, mais c'est quoi ce que tu vas faire? Et j'étais assez incapable de répondre. Et donc j'ai été voir sur internet où là, j'ai très bien compris. Mais je me suis rendu compte après avoir vu que je ne saurais toujours pas l'expliquer. Et je ne sais pas si je saurais l'expliquer après ce stage-ci. Enfin voilà, mais je crois que tout ce qu'on cite et tout ce dont on parle, je suis un peu baignée dedans depuis toujours. Enfin, c'est un mode de vie et oui, je crois que j'ai été baignée dedans et que ça s'est... Enfin, que c'est de plus en plus, peut-être parce que c'est de plus en plus différent de la norme et que voilà. Enfin. Là, je comprends pas quand tu dis ça. C'est de plus en plus. Tu veux dire qu'il y a de plus en plus. C'est les. Enfin, tout foire un peu de plus en plus, autant pétrole que tout le reste, qu'il n'y a rien qui va, soi-disant. Et que, voilà, enfin. Quand on voit que ça va pas dans un sens, on va dans l'autre. Et je pense que la permaculture, ça allait dans l'autre sens que le sens classique. La deuxième question, c'est comment est-ce que tu vois le futur aujourd'hui ? Tu peux le prendre comme tu veux. Ok. Pas super positivement, mais en même temps, je me dis que ça sert à rien de voir tout en négatif et de se dire « Oh là là là là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, on est perdu. » Donc j'aime autant faire mon petit chemin de mon côté, et ben, les gens que je croise et que j'arrive à entraîner sur le même chemin, tant mieux. Je suis mitigée, je sais pas trop et je pense qu'il y a personne qui sait vraiment vers où on va et voilà. Mais je sais plus ou moins vers où moi je veux aller, donc j'essaie de mettre en place ce que je peux pour moi aller vers là. Et voilà, j'ai raconté à plusieurs que je travaille dans une maison d'accueil pour femmes en difficulté sociale, précarité, quart-monde. Et moi, tous les midis, je mange ma petite salade que j'aime bien me préparer. Et voilà, j'aime bien ça. Et il y a quelques semaines, il y a une des femmes qui vient d'un milieu assez précaire qui est venue et qui m'a dit « Oh, regarde ce que j'ai acheté ». J'ai trouvé ça au Colreuth, c'est des germes luzerne, etc. Enfin, et voilà, moi je trouvais ça, personnellement, j'ai trouvé ça génial qu'une bonne femme qui boit du coca à longueur de journée, qui bouffe des crasses, des McDo, etc., ben, elle soit toute fière d'avoir... Et je lui ai rien dit, je lui ai jamais parlé de ça. Elle l'a vu faire et elle le fait. Enfin, voilà, et c'était peut-être qu'une fois et il n'y aura peut-être pas de suite, mais ça veut dire que ça lui a quand même effleuré l'esprit de se dire, tiens, il y a des bonnes choses à manger aussi. Voilà, et je me dis que si on peut évoluer comme ça en faisant ce que nous on a envie de faire et qu'il y en a qui s'en inspirent, ou en tout cas que ça leur pose un questionnement et qu'ils commencent à se poser des questions, ben on aura déjà gagné ça. Voilà. Ouais. Okay. Et alors la poésie dans ton quotidien, c'est quoi? Ça te raconte quoi cette phrase-là? Je dirais pas grand-chose, mais moi, dans poésie, je verrais un peu la simplicité des choses, revenir à des choses assez basiques. revenir à des choses plus essentielles et plus fondamentales. Prendre du plaisir à l'instant. Voilà, être content de manger les pieds dans l'herbe. Pouvoir, je ne sais plus de quoi. Oui, ça y est, on en a parlé, de marcher le matin, dans la rosée du matin, et que c'était bon. Voilà, pour moi, ça, c'est de la poésie. C'est un retour à la nature aussi. Enfin, j'ai toutes mes vacances, je les ai passées en camping et enfin, c'est un truc dont je ne peux pas me passer. Voilà, le petit appartement à Bruxelles ou à Paris, moi je ne pourrais pas. Maintenant, je pense qu'on peut aussi y voir de la poésie là-dedans. Donc, pour moi, la poésie, c'est dans la nature, c'est dans les arbres, dans les fleurs, dans les. Dans la nature. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter spontanément, comme ça, de profiter du micro pour dire quelque chose ou pas ? Non, si ce n'est que le lieu ici est très bruyant. Je ne sais pas si c'est pas très. si c'est très permaculteur, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Pour moi, la permaculture, c'est aussi un peu de silence, des concerts de silence, hein, comme dans La Belle Verte hier soir. Voilà, le bruit des arbres et pas le bruit des camions qui passent sur une chaussée. Rien à voir, mais. Merci.